kii nag benn paa la woon, paa bi daal dafa feebaroon, léegi mu dem hôpital. Docteur bi mu ko examiné ba pare mu ne ko yow daal da nga war a tuur ndox, léegi boo tuuree ndox ndox boobu nga indil ma ko, après man su ko defee danaa ko examiné. Léegi paa bi nag non yu kan fekk docteur bi sax ndox boobu ko laajoon ndax ne ko woon ndox guddi la war a doon. Léegi paa bi nag mu xar ba digg guddi moom mu daal di ut benn kopp, léegi mu daal di si tuur ndox daal. Léegi soxna si moom fekk instant bu mu gaa mi ngi di ko nax soxnaam, te fekk soxna si moom tam dafa ëmb. Léegi soxna si daal mu ba digg guddi moom tamit mu war a yu kan mu war a tuur ndox. Léegi moom comme taawal naa comme taawaloon naa dem fusari rek mu jël ndox boobu rek daal di ko tuur rek, moom tamit daal di utiliser même kopp bi. Léegi waa ji moom da nga xamul ne affaire demee mu xëy jël kopp bi rek yóbbu moom tamit gaa si docteur bi. Docteur bi ak docteur bi analyser ko affaire après beneen jour daal mu convaincre ko. Léegi docteur gaa bi waa ji ñëwee mu ne ah sa waay man nii de gaan jaaxal na ma lool, bi ma dalee exercer sama métier ba léegi maa ngi koy soog gis jaaxal na ma lool, da waaye de da ngaa ëmb. Man que affaire gaan bi ma si amee dut sax defaat naa test waaye gis naa leen daal da ngaa ëmb. Léegi waa ji gaan waa ji perturbé carrément, waa ji jaaxle laa la nii mu dem na gaa bi mu dellu si gaalam nag mu ñëw dugg si gaalam rek fas kanamam soxna gis nga ne ko waa ni yow lu xew rek xaar rek paa bi aar ne ko waa xam waa yow xam te lu yëpp waxoon naa ko te waxoon naa la nga may féeti suuf waaye léegi mu ngi ne nag ëmbal nga ma